trouve un père? C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je m'appelle Clara Isée et je vais vous raconter l'histoire de Kim et son cœur sur la main. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Kim. Kim était né avec le cœur sur la main, littéralement. Il battait dans sa paume. Ça n'était pas très pratique pour toutes sortes d'actions du quotidien. Se laver, manger, dire bonjour, faire le poirier, aider à la cuisine et surtout pour cacher ses sentiments. Quand Kim aimait quelqu'un, son cœur dans sa paume gonflait. Et Kim avait beau serrer ses doigts pour le rendre invisible, c'était peine perdue. Le cœur écartait les doigts, rougeoyait et battait, comme une percussion. Alors, le petit garçon cachait sa main derrière son dos et parlait fort pour couvrir les battements de son cœur. Mais ça ne suffisait pas. Le cœur gonflait encore et Kim devait marcher comme un crabe pour que personne ne voie la taille que sa main avait prise. Quand Kim était fâché, son cœur devenait dur et lui faisait mal. C'était comme porter une pierre. Plus il était fâché, plus la pierre était lourde et plus le cœur se mettait à bouger dans tous les sens. Alors, les mouvements de Kim devenaient confus, le débordaient et il cassait tout dans la maison avec le cœur devenu pierre qui s'emballait et ne l'écoutait plus. Quand Kim était triste, le cœur dans sa main devenait bleu, bleu comme la mer. Alors, sa main se mouillait et plus il était triste, plus l'eau coulait le long de ses doigts, faisait une flaque au sol, inondait sa chambre, et il devait courir dans la salle de bain le temps que la tristesse le quitte. Quand Kim était joyeux, le cœur dans sa main devenait jaune, jaune comme le soleil, et tiède. Juste la température qu'il fallait pour que sa maman lui demande de réchauffer le café qui avait refroidi sur la table de la cuisine. Alors, Kim mettait ses mains contre la tasse, le café réchauffait, et le cœur se mettait à ronronner comme un chat. Parfois, ça posait problème parce qu'il faisait beaucoup de bruit et Kim aurait aimé être joyeux en silence, en secret, juste pour lui-même. Un autre inconvénient de ce cœur sur la main était que lorsqu'il touchait ses parents ou ses amis, Kim était envahi par leurs émotions. C'était comme si son cœur devenait un passeur, un postier. Et Kim ne savait plus faire la différence entre sa tristesse et leur tristesse, sa colère et leur colère, sa joie et leur joie. Un été, il demanda à son papa de lui acheter des gants, épais, imperméables. Mais il avait chaud, il se sentait à l'étroit et il aurait aimé toucher la peau de ses amis dans la cour de récréation sans connaître leur météo intérieure. Un jour, Kim marchait dans la rue, quand il rencontra un autre petit garçon qui s'appelait Sacha. Il avait un grand visage de lune, un corps un peu épais et maladroit. Il portait des lunettes rondes et se balançait de droite à gauche en regardant le ciel. Il avait l'air distrait, un peu en dehors du monde. Kim le trouva très joli. Alors, il referma ses doigts autour de sa main et cacha son cœur derrière son dos. Mais au bout de quelques minutes, il s'aperçut que le cœur ne gonflait pas, qu'il ne s'emballait pas du tout, qu'il restait calme. Alors, Kim, étonné, retira son gant et tendit sa main à Sacha. Sacha serra la main de Kim. Ils se dévisagèrent tous les deux. Et soudain, Kim vit les yeux de son nouvel ami se remplir de larmes. Elle gonflait sous ses paupières, semblait hésiter au bord de la rétine et d'un coup dévalait le long de ses joues, tout chousse, comme au ski. Sacha pleurait. Kim le regardait et laissait sa main poser dans celle de son nouvel ami. Il n'en revenait pas de voir que son cœur restait à sa place, battait normalement dans le creux de sa main. Ils s'installèrent tous les deux sur un banc pendant que leurs parents parlaient de la pluie et du beau temps. Kim prit son courage à deux mains et lui dit « Pourquoi tu pleures ?» Sacha avait le nez qui coulait et les joues rouges, mais il sourit. « Je ne sais pas, c'est tout brouillé à l'intérieur, » dit-il. Kim répondit « Brouillé comme quand maman éteint la lumière dans la chambre la nuit ?» et qu'il faut dormir, mais que toutes les idées viennent en même temps dans la tête. un peu, dit Sacha. Ou plutôt, comme si quelque chose venait d'exploser à l'intérieur de moi. Ça te fait mal ? Demanda Kim. Non, pas du tout, répondit Sacha. J'ai l'impression qu'il y a plein de lumières qui se sont allumées tout à coup dans ma poitrine. Kim était perplexe et regardait les larmes couler le long des joues de Sacha, qui semblait hésiter à ajouter quelque chose. « J'ai un secret, » dit-il. « Tu veux me le dire ?» demanda Kim. « Oui, mais c'est un peu bizarre. »« Pas plus bizarre que mes moufles en été, » répondit Kim. « C'est vrai, » admit Sacha, et il s'élança. « Voilà, j'ai un gros, sur le cœur, depuis toujours et je ne ressens rien. » Kim se mit à rire. Ses mots résonnaient comme une langue étrangère à ses oreilles. « Tu veux dire que tu as le cœur gros ?» répondit-il. « Non, non, j'ai un gros monsieur, assis sur mon cœur dans ma poitrine depuis des années. Il a élu domicile ici à ma naissance, et j'ai beau lui expliquer qu'il faut trouver un autre endroit pour vivre, il ne veut rien entendre. Il dit que mon cœur est chaud, confortable, et qu'aucun canapé au monde ne pourra lui donner ce réconfort. » Kim était médusé. « Tu veux dire que ce gros monsieur, assis sur ton cœur, t'empêche de ressentir des émotions ?»« Oui, » répondit Sacha, « je le connais. » Je l'ai appelé Franck. Il porte des chaussons et un survêtement rose. Et il est vraiment très, très lourd. Kim regardait son ami et réfléchissait. Sacha continua. Mais avec toi, c'est différent. En prenant ta main, j'ai senti d'abord ta honte et ton soulagement. Et maintenant, là, je ressens ta joie. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir un arc-en-ciel à l'intérieur de moi. Ça me picote dans la poitrine et tes émotions, je crois qu'elles deviennent un peu à moi. Alors, on vit longtemps Sacha, qui avait un gros sur le cœur, et Kim, qui avait le cœur sur la main, marcher bras dessus, bras dessous, et rire. La main de Kim restait à taille humaine. Les yeux de Sacha étaient pleins de couleurs, et tous les deux se promenaient joyeusement dans le parc. L'histoire raconte que le gros monsieur, un soir, a quitté le cœur de Sacha. Il est allé replacer le cœur de Kim au bon endroit dans sa poitrine, puis il est parti en sifflotant. Comme quoi, parfois, certaines amitiés rendent la vie encore plus belle. Et voilà, l'histoire est finie, et maintenant, au lit. Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.